C'était jour de marché aux fleurs sur la place de la Madeleine. Il faisait un temps clair et doux, et la brise, qui secouait un peu les baraques de toile, gonflait par les bords l'immense drap noir accroché sur le portail. L'écusson de M. d'Ambreuse, occupant un carré de velours, s'y répétait trois fois. Il était, de sable, au sénestre chair d'or, à poings fermés, ganté d'argent, avec la couronne de comte et cette devise par toute voix. Les porteurs montèrent jusqu'au haut de l'escalier le lourd cercueil et l'on entra. Les six chapelles, l'hémicycle et les chaises étaient tendues de noir. Le catafalque au bas du chœur formait, avec ses grands cierges, un seul foyer de lumière jaune. Aux deux angles, sur des candélabres, des flammes d'esprit de vin brûlaient. Les plus considérables prirent place dans le sanctuaire, les autres dans la nef. Et l'office commença. À part quelques-uns, l'ignorance religieuse de tous était si profonde que le maître des cérémonies, de temps à autre, leur faisait signe de se lever, de s'agenouiller, de se rasseoir. L'orgue et deux contrebasses alternaient avec les voix. Dans les intervalles de silence, on entendait le marmottement du prêtre à l'autel. Puis, la musique et les chants reprenaient. Un jour mat tombait des trois coupoles, mais la porte ouverte envoyait horizontalement comme un fleuve de clarté blanche qui frappait toutes les têtes nues. Et dans l'air, à mi-hauteur du vaisseau, flottait une ombre, pénétrée par le reflet des ors, décorant la nervure des pendentifs et le feuillage des chapiteaux. Frédéric, pour se distraire, écouta le diaziré. Il considérait les assistants, tâchait de voir les peintures trop élevées qui représentaient la vie de Madeleine. Heureusement, Pellerin vint se mettre près de lui et commença tout de suite, à propos de fresques, une longue dissertation. La cloche tinta, on sortit de l'église.